J'ai perdu le nord depuis mon aéroport. Ma boussole au nord. La météo, l'oreille sur la radio, je sors mon pareo qui pleure de joie. Je me déboussole, je lève les pieds du sol, l'infirmière qui m'isole pleure de joie. Je me déboussole, je lève les pieds du sol, l'infirmière qui m'isole pleure. Je lève les pieds du sol, l'infirmière qui m'isole pleure.